donc un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'émission, dans l'émission Johnny de A à Z. Aujourd'hui, lundi, on se met combien déjà aujourd'hui? Hein, je ne sais plus, le 23 mars. 23 mars, encore un jour de confinement et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Et déjà, vous avez un petit peu ce qui vous attend. C'est ça qui vous attend pendant un peu plus d'une heure. Les coffrets Johnny 69 se font attendre, hein. Juin 2019, septembre 2019, repoussé encore à décembre 2019, le premier trimestre 2020, on devait l'avoir pour le 1er mai, ouais, et non, ce sera enfin le 31 mai que nous pourrons tenir dans nos mains le coffret 4 CD par exemple, le coffret 3 vinyles avec 3 CD et le DVD, et les triples vinyles de Rivière Ouvre ton lit, ainsi que le Palais des Sports 1969, et aussi nous devions avoir aussi le Port Barcarès, le double vinyle Port Barcarès 1969, peut-être pas celui-là encore, car il a été retiré des précommandes pour un litige de droits de photo. Ouais, ça arrive. En attendant ces réceptions tant attendues, je vous propose aujourd'hui de découvrir ou de réécouter deux concerts. Un des deux Musicorama de Europe 1 du Palais des Sports de 1969 et le concert au pied du paquebot Lydia, le paquebot des sables transformé en discothèque à Port Barcarès le 9 août 1969, retransmis également par Europe 1. Ce sont des documents d'époque enregistrés à la radio par des amateurs. Et la petite variante sera que dans cette émission Johnny de A à Z, la composition, je ferai une composition de ces deux concerts. Ouais. Et puis la version que vous allez avoir du Musicorama d'Europe 1 ne sera pas la version qu'on aura en vinyle ou en CD au 31 mai. C'est une autre capture. Et si on partait tout de suite du côté du Palais des Sports et du côté du Port Barcarès, ça vous dit. Allez, on est ensemble encore pour une grande heure, oui, une grande heure de musique et de surtout de Johnny Hallyday. Bonne soirée à toutes et à tous. Non, pas bonne soirée, bonne fin d'après-midi. Je me crois encore à la radio, hein, sur la radio, non, c'est celle-là. Elle est là, la radio érigée. Mais oui, mais... On se fera ça plus tard, il n'y a pas de souci. Allez, on commence tout de suite par cette émission Johnny en 1969. Son entreprise sont au Palais des Sports. Son nom est scandé par des milliers de personnes qui viennent d'assister à une première partie littéralement démentielle. On ne sait plus où donner des yeux, 5 podiums, où on voit des groupes de rock, des catcheurs, des clowns, l'homme qui crache du feu, un orang-outan, des cascadeurs et surtout des balais réglés par Lester Wilson qui lui-même chante. Ah, j'allais oublier les vapeurs d'encens, des flots de musique concrète, le bruitage, les projections sur 3 écrans, sur d'énormes ballons. C'est dans cette ambiance de bagarre, d'amour, d'évasion, de violence, que le public survolté attend et réclame Johnny, le chef de cette entreprise gigantesque. « Johnny. Il est tout en noir, son costume de satin et de soie tient à la fois de Judex et de Zorro. Chapeau et lunettes noires. À plein gaz, il faut choisir dans la vie. Je ne veux pas marcher au ralenti. Pour gagner, j'ai pris tous les raccourcis. J'ai gagné, jure, alors vous direz. Waouh, il est tâté ou cassé. Bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z. Aujourd'hui, nous écoutons le Palais des Sports, du moins ce qui va nous sortir prochainement fin mai. Concert en intégralité, comme je vous propose aujourd'hui dans cette émission spéciale Johnny de A à Z. Voici Entre mes mains. Et combien de soldats toi te plante moi. Son bon ventre nettoie. J'étais un enfant. Pourtant je me souviens. J'ai pleuré bien souvent. Regardant mes mains, entre mes mains, non, je n'y peux rien. Sur cette ruche, entre mes mains, j'ai connu bien des filles, puis j'ai connu la fille. J'ai souvent fait l'amour, puis j'ai connu l'amour. C'est facile. Elle m'aimait, je l'aimais. Mais l'amour, c'est fragile. Plus fragile qu'un jouet. Et je te vois, oui c'est bien toi, oh non. Johnny Hallyday, bravo, quel eh bien, sans vouloir choquer quiconque, pour vous donner une idée de ce qui se passe actuellement, nous qui sommes au-dessus du podium et qui dominons littéralement toute la salle, enfin toute la salle, cette immense place, et ça me fait penser à ces photos ou ces reportages documentaires Saint-Pierre de Rome. Et Johnny s'écroule sur la scène, une plage littéralement noire devant lui qui regloin sous le regard fort. On quitte momentanément le Palais des Sports pour rejoindre Johnny Hallyday à Port-Bacarès. C'était l'inverse. Un homme, tu parles comme un homme, à croire que t'as vécu mille ans et plus. Un homme, tu parles comme un homme, à croire que dans la vie, t'as vu qu'à vu. Que sais-tu d'un enfant tout seul quand vient Noël? Oui, que sais-tu de ce chien dont le maître est au ciel? Et que sais-tu d'un ami que l'amour a brisé? Oh oui, que sais-tu des amis qui ne pourront jamais, jamais léger? Si tu savais ce que je sais. Jeune homme, tu parles comme un homme, à croire que t'as tout vu, que t'as tout lu. Jeune homme, tu parles comme un homme, à croire que t'es coincé, t'es sans pitié. Mais que sais-tu de celui qui n'a plus de pays? Et que sais-tu d'un bateau qui sombre dans la nuit? Que sais-tu d'un vieillard qui a peur de l'hiver? Oh oui, que sais-tu des milliers de gens qui souffrent aujourd'hui sur la terre? Si tu savais ce que je sais. Jeune homme, quand tu seras un homme, alors il te faudra souvenir. Oh, jeune homme, de respecter les hommes, qu'est-ce qu'il y a de vivre et de mourir? Il y a de mourir, car je n'aime. M'endormir, mais je ne peux plus ouvrir les yeux. Je voudrais avoir rien qu'un ami pour lui dire ce soir, mette-moi tes yeux. Regarde bien par la fenêtre, ne vois-tu pas une fille en blanc devant l'église qui m'attend? Regarde pour moi. Où je vais dormir ou bien mourir, mais je sens le froid au fond du cœur. Je voudrais avoir rien qu'un ami pour lui dire ce soir, aide-moi ton cœur. Regarde bien par la fenêtre, ne vois-tu pas une fille en blanc? Tu me cries pardon en pleurant. Regarde pour moi. Mais dis-moi, ne vas-tu pas, et tu vas m'envoyer la main dans l'ombre, avec une faux entre les mains. Regarde pour moi et par pitié, sur plus de ma vie, viens. Pendant cette chanson, des danseuses en collants et bottes noires faisaient un décor mouvant et à droite, toute seule, apparition féminine, blanche et diaphane, cernée par les projecteurs. Oui, oui, oui. Et là, on va du côté de Port-Bacarès à présent, avec une version dantesque qui dure 11 minutes de voyage au pays des vivants. Et vous écoutez Jenny de A à Z, spéciale émission de confinement. Jamais, je ne recommencerai. que je recommencerai. Gueule, il y a pas d'autre mot extraordinaire dans ce spectacle, ce campus. Je vais essayer, car il vient de sortir de scène pour changer de costume. Eh bien, je vais essayer de vous décrire maintenant que j'ai un peu de temps ce qui se passe pour ce dernier campus spécial d'été qui vous est offert par Orangina. La boisson, notre boisson frétillante à la pulpe d'orange. Il y a sur cette plage de Port Barcarès, face au bateau de Lydia sur lequel nous nous trouvons et au pied duquel se trouve l'estrade, le podium de Johnny, il y a un monde effrayant. Maintenant, des feux d'artifice qui montent dans le ciel. C'est un spectacle assez extraordinaire, pour connaître, grandiose, un peu inquiétant, comme tout ce que sont les phénomènes de foule, car fou Lydia, je vous ai dit tout à l'heure, on pensait un peu à la place Saint-Pierre de Rome. Il y a des gens qui vont jusqu'à la mer et qui ont sans doute les pieds mouillés. C'est pourtant ici, à la mer, il y a plusieurs centaines de mètres. Quant à vous parler de la largeur du public, de la largeur de cette salle en plein air, c'est absolument impossible. Je vous ai dit plus de 20 000, on ne sait plus maintenant, car le public continue d'arriver. Je ne sais pas, peut-être en écoutant l'émission d'Europe numéro 1, peut-être par attiré par le bruit qui doit se répercuter très très loin, peut-être par ce qu'on appelle le tam-tam, le téléphone arabe, je n'en sais rien. Un solo de batterie pour l'instant. Tandis, je vais permettre à Johnny de se changer. Johnny qui, dans cette première partie, était vêtu de noir, bottes noires, chapeau noir californien, avec une paire de lunettes. Ce n'est pas un bluff, c'est exact. Il a été réellement blessé au cours du western qui tourne actuellement en Italie. Blessé par la déflagration d'un pistolet, je crois, ou d'une carabine. Moi, je ne crois pas que ce soit trop grave. Je suis donc avec lunettes noires et chaînes pendentifs d'argent. Cela à l'intention de ses fans les plus forts. Je n'y reviens pour l'instant, toujours vêtu de noir. Et écoute son batteur. Au public, jambes écartées. Et maintenant, je veux vous entendre taper dans vos mains, tout le monde, oui. Oh! Oh! Hey! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Cette version, vous l'aurez aussi dans ce fameux Port Bacarès qui sortira donc le 31 mai. Et là, on se retrouve tout de suite avec Que je t'aime à nouveau au Palais des Sports. Quand tes cheveux s'étalent dans ma soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessine sur ton cœur des montagnes, des forêts et des îlots de trésor. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non, dis-tu ce petit doigt. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Émission spéciale Johnny de A à Z avec aujourd'hui Port Bacarès ainsi que le Palais des Sports de 1969. Vas-y tout de suite, Rivière, ouvre ton lit. Je te connais, tu es très belle, tu es comme une femme. Allez, je te connais, tu es très douce, mais sans cœur et sans âme. En toi, trouver le ciel en toi, on tend la main. Mon Dieu, et puis ton taron s'aperçoit qu'on s'est noyé pour un reflet dans l'eau. Non, rivière, ouvre ton lit, rivière, ouvre ton lit. Je sais combien de feux. Dans leur douleur, font soin du cours, maîtresse. Dieu sait combien d'amour. Avant le mien, sont morts sans une messe. Non! Tu n'es rien qu'une fille de mauvaise vie. Et ce soir, je veux coucher entre tes bras ma seule vie. Rivière, ouvre ton lit. Rivière, ouvre ton lit. Descendre au fond de toi. Et dans ta bouche, je veux la paix monte. Je veux toucher le fond de ton corps. Je veux toucher le fond de mon malheur. Et bien, ouvre ton lit. On retourne à Port-Pacarès pour cette émission spéciale 1969. Plus de 5000 personnes lors de ce concert Lydia à Port-Pacarès. À 5 euros l'entrée. Jusqu'au bout. Tout le service d'ordre faire ce qu'il peut, mais allez savoir. Comme on l'a vu, aller sur scène. C'est un anneau qui me fait trop mal, mal, mal. En fait, je jure, mais ça me fait trop mal, mal, mal. Comme il me fait, quand je me fais mal, mal, mal. C'est un anneau qui me fait trop mal. La nuit, le silence, avec ce qu'il pense. La nuit, je l'appelle, comme elle s'est belle, mal, mal. C'est un anneau qui me fait trop mal, mal. Vous aurez réactivé de vous-même, pas 5 euros, mais 5 francs la place. En bas qu'un reste, tu n'as aidé. Le 9 août. S'il te plaît, T'es très joli. T'es très joli, mais tais-toi deux minutes. Hein? Hein? Je m'en veux dire qu'aujourd'hui, ce soir, j'étais très heureux de venir. Et malheureusement, cette joie est gâchée ce soir. Parce que ce matin, quand j'ai été à Rome pour tourner mon film, pour finir, j'ai ouvert la radio et j'ai appris la mort d'un de mes meilleurs amis. Et j'aimerais bien dire que... Enfin, il n'y a rien à dire. Mais je suis très triste et je crois que ça mérite du respect. Et je pense que tous les amis de Michel Cogoni pourront dire que nous sommes désespérés ce soir. Merci. Johnny a rendu hommage à Michel Cogoni, comme il nous avait annoncé au début de cette émission. Il vient de quitter la scène. Bien sûr, c'est un exploit. C'est peut-être un exploit physique, un exploit dompteur, on appelle ça comme on voudra. D'arriver à maîtriser, à faire sur le silence à plus de 20 000 personnes maintenant massées. Il y a quelque chose à lui qui dans la tente. On ne sait plus très bien où on est. Voir la mer toute proche, toute calme, qui continue inlassablement. Et puis voir ce personnage de 1m80 et quelque chose, long, qui arrive à faire bouger 20, peut-être plus, je ne sais plus, 20, 25 000 personnes, ou aller faire, ou obtenir le silence en quelques minutes pour rendre un hommage à notre copain. C'est vraiment un numéro c'est difficile à expliquer. On ne sait plus très bien si c'est de la chanson, si c'est du musical, si c'est du domptage, car je crois que le mot de domptage ou le mot de dompteur conviendrait parfaitement en l'occurrence. Avec cette foule qui s'écrase contre les barrières, il y a des gens, des coriaces, des durs du coin, des joueurs de rugby, littéralement arc-boutés contre les barrières pour les empêcher de craquer, parce que si ça craque, et alors on verra. On verra comment se terminera ce dernier campus spécial, qui est un immense succès pour Europe, pour Johnny, pour toute l'équipe des campus. On s'en réjouit bien sûr, mais comment demander à cette foule immense d'être disciplinée? C'est impossible. C'est impossible. Je passe des choses pour faire des films. Voilà, maintenant une barrière commence à céder là. Certains ont arrivé à passer. Johnny a disparu de la scène pour l'instant. Est-ce pour changer son costume pendant encore quelques jours? Est-ce pour marquer un temps d'arrêt après l'hommage très pudique qu'il a rendu à Michel Cogoni? Personnellement, je n'en sais rien. Je dis que nous surplombons cette scène, nous sommes vraiment au-dessus, imaginez un grand navire, nous sommes au-dessus de ce navire, et la scène est littéralement à nos pieds, Johnny est juste en dessous de nous, lorsqu'il est sur la scène. Je vous laisse écouter quelques instants l'orchestre, Johnny devrait revenir, le show n'est pas terminé, à moins qu'il se passe quelque chose chez lui, c'est imprévu, mais en principe, le show, Johnny Hallyday pour ce campus spécial original et maternité. À une allure encore, un ring est installé sur le podium. Nous sommes de retour au Palais des Sports en 1969. Et voici Johnny. Avril, Johnny revient en tenue de boxeur. Caché derrière mes poings, débutons les grands temps, mais c'est 120%, assis au premier rang, les 100 kilos tassés dans une place à l'étang, il a vu ma droite, il a lâché son cigare, et dans ses yeux j'ai vu des balises de dollars. J'ai vu qu'il me fallait gagner ce soir. Caché derrière mes poings, j'ai vu Madame la Bulle avec Monsieur les gens, d'un succès porté tant, combien à m'applaudir, à moitié pourvoyeur et à moitié vampire. Et dans l'heure que j'ai vu des mises à mort, j'ai vu qu'il me fallait gagner ce soir. Caché, caché derrière mes poings, j'ai vu l'homme abattre, on n'était pas ennemis, si c'est pas moi, c'est lui, et j'ai été l'ascenseur, un loup devenir chien, et j'ai vu que j'allais gagner ce soir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce soir au célèbre Palais des Sports de Paris, grand combat international de boxe de poids moyen en 10 reprises de 3 minutes. À ma droite, directement venu d'Amérique, 71 kilos et candidat au titre de champion du monde, le bombardier noir de New York, Lester Wilson. À ma gauche, 72 kilos 500, l'actuel champion du monde des poids moyens, Johnny Harrier. Les adversaires se saluent, leurs peignoirs de soie sont splendides, éclatants. Le combat est commencé. Johnny au sol une première fois. Il se relève. Au sol une deuxième fois, vaillamment il se relève encore. Sur les immenses ballons, projection du match, gros plan sur les visages. C'est un magnifique match en forme de ballet, réglé par Lester Wilson. Se reprend, il récupère et maintenant il fonce. Lester est KO. Johnny, vainqueur, se retrouve avec lui-même. Caché, caché derrière mes poings, j'ai vu au troisième rang une fille qui s'en allait comme un douillet qui est. Hey! Alors elle s'est retournée et dans ses yeux j'ai vu qu'elle pensait de moi, un homme sans foi ni loi, qui a l'amour au toit. J'ai vu que j'avais perdu. Magnifique Johnny au Palais des Sports de Paris en 1969. Pour le axe terminé, voici Je te veux dans l'émission Johnny de Bazin. Je suis le fils de l'homme et de la femme. Ça, comme je croyais, c'est un avantage. Quelque chose dans les yeux, une flamme. Lève la tête, je brûle les nuages. Et je te veux. Et je te veux. Je suis résigné à tout sur marché. Parmi ces gens qui ne me ressemblent pas. J'ignore que l'amour de l'amitié. Excepté tout le mal qu'on n'évite pas. Et je te veux. Et je te veux. Oh yeah! Elle m'a vu, mais je sais ce qu'elle va me dire. Tu me parles, tu as les yeux, mon parent. Elle fait tomber la mer au nom de son rire. Et je la veux. Et je la veux. Que l'âme ne me écoute pas. Et pas de l'âme, je n'ai pas de sang. Oh non, je n'ai qu'un amour qui ne s'arrête pas. Je suis allongé sur mon lit, je t'attends. Car je te veux. Je te veux. Oui, je te veux. Je te veux. Ah, je te veux. Je te veux. Ça fait longtemps que je te veux. Car je t'aime et tu m'entends. Oui, je t'aime. To mon corps, to mon corps, et je te veux, je te veux, oh je te veux, ah je te veux, je te veux. Je te veux. Ah, je t'aime. Je t'aime de tout mon corps. Oui, je t'aime. Je t'aime de tout mon corps. Je t'aime. Je t'aime. De tout mon corps. De tout mon corps. Je vais me déshabiller. Je vais me déshabiller. quand je t'aime. Quand je t'aime, je touche mon corps. Je vais me déshabiller. Honte sur toi. Je vais te faire l'amour. Je vais te faire l'amour. Quand je te veux, je vais m'allonger. Je vais m'allonger. Quand je t'aime. Quand je t'aime. Quand je t'aime. Quand je t'aime. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Je t'aime. Et je t'attends. Oui, je t'attends. Et je t'attends. Car je te on arrive bientôt à la fin de cette émission spéciale Johnny Hallyday 1969 au Palais des Sports ainsi que par Barcarès. De lumière, tridente et échevelée au milieu d'un public qui tient difficilement en place, s'agite, saute et hurle sa joie. C'est tout, je sais tout. Voici le dernier titre de cette émission. Je suis dans la rue, Johnny, une version qui dure près de 13 minutes. Bien découplé, bronzé, tenant son micro comme un fouet. Appelle Jean-Philippe Smet, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Un soir de juin 1943. Je suis né dans la rue par une nuit orage. Oh oui, je suis né dans la rue. Oh oui, je suis né dans la rue. Dans la rue. Dans la rue, où se trouvent les choses. Dans un berceau de père, je te fais grandir. Ne vous étonnez pas si je ne fais pas sourire. Que je suis dans la rue. Oh oui, je suis dans la rue, dans la rue. Les fatigues de père pour me faire entrer le soir. Et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir. Le cœur comme une pierre, je commençais ma vie. Que je suis dans la rue. Je suis dans la rue, dans la rue, dans la rue. Encore plus fort pour la garder. De tous les côtés de la ville, on me cherchait. Les poings se sont serrés depuis, je n'ai pas changé. Que je suis dans la rue, je suis dans la rue, dans la rue. Je mangeais le bifu pour une enfant de l'homme. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. Les chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Et quand la nuit arrive, moi je retourne dans la rue. Parce que je suis dans la rue. Je suis dans la rue, dans la rue. Dans la rue.

she's my baby. If I believe love, I told me baby. If I believe love, she's my baby. If I believe love, I told me baby. If I believe love, she is my baby girl. She's a girl with a red blue jeans. She's the queen of all teens. She's a woman. Well, that I know, she's a woman that loves me so, yeah. If I believe her, she's my baby. If I believe her, I don't make it baby. Popcorn est tombé du haut du Palais des Sports. Johnny Hallyday nous a présenté dans les flammes, les miroirs mouvants, les projections, les cris, la lumière, la danse, la musique, un spectacle choc pour lequel il faut rendre hommage à Jacques Chérix et à Johnny lui-même, chef inspirateur et héros de cette entreprise. C'était Musicorama, émission de Lucien Maurice et Bruno Cocatrix, présenté par Robert Marty, réalisé par Catherine Félix. Voilà tout ce qu'on aura lors de ce lors de l'édition de ce fameux Johnny 1969, du moins une grande partie de ce programme-là, Port Baccarès 69 qu'on avait eu, et puis à l'instant le Palais des Sports, mais ce sera une autre version qu'on aura, bien entendu. Merci encore à toutes et à tous d'avoir écouté, participé, assisté à cette émission Johnny de la Seine. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine émission à partir de 17h. Je serai là, donc pourquoi pas vous, hein? À très très très bientôt, toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Confinez, bien entendu, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.